toi, toi si t'étais le bon Dieu, tu ferais valser les vieux aux étoiles, toi. Pas étonnant de ciel bleu, mais tu n'es pas le bon Dieu, toi tu es beaucoup mieux, tu es un ange. Tu es un homme.